إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شهر رمضان، سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن ختام هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي قد قرب رحيله، وهذا الشهر الذي يكون شاهدا لنا أو علينا بما أودعنا من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك، ومن أودعه عملا سيئا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. Donc ceci est la 17e assise et la dernière des assises du mois du Ramadan, dans laquelle nous allons parler de la clôture de ce mois béni de Ramadan, ce mois dont la clôture et la fin s'approchent, et ce mois qui, comme on l'a vu durant les cours précédents, sera soit un témoin en notre faveur ou soit un témoin contre nous. Il sera un témoin en notre faveur pour celui qui aura accompli de bonnes œuvres et se sera approché de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne le lésera pas et lui accordera par sa grâce et sa bonté la pleine récompense. Et celui qui, durant ce mois, a commis de mauvaises œuvres, qu'il se repente à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne soit trop tard, car Allah azza wa jal accepte le repentir de celui qui revient à lui. Wallahu subhanahu wa ta'ala shar'a lana fi khitami hadha ash-shahri ibadat taziduna min Allahi qurba wa tazidu imanana quwwatan وتزيد في سجل أعمالنا حسنات. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا زكاة الفطر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا، وشرع لنا التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré un certain nombre d'adorations lors de la clôture de ce mois de Ramadan. Des adorations qui font augmenter notre foi, des adorations qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, des adorations qui viennent alourdir notre balance de bonne œuvre par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a légiféré, lors de la fin de ce mois du Ramadan, Zakat al-Fitr, dont nous avons parlé lors de l'assise précédente. Il nous a aussi légiféré, subhanahu wa ta'ala, le takbir, lors de la fin du Ramadan. Ce takbir qui commence après l'heure du Maghrib de la première nuit de l'Eid, c'est-à-dire le soir du dernier jour de Ramadan. Et ce takbir se prolonge jusqu'à la prière de l'Eid. Après, avec la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, afin que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire de jeûnes, de jours de jeûne à jeûner, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. De proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal en guise de reconnaissance pour nous avoir permis de l'adorer subhanahu wa ta'ala durant ce mois, de l'adorer à travers le jeûne, à travers la lecture du Coran, à travers les prières nocturnes, à travers les aumônes et toute autre forme d'adoration. Et ce takbir se dit de cette façon: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Wa yusannu jahru rijali bihi fi al-masajidi wal-aswaq wal-buyut i'lanan bita'zimillah wa izharan li'ibadatihi wa shukrih. Et il est légiféré d'élever sa voix lors du takbir, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les maisons, pour proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et montrer de façon apparente que l'on l'adore subhanahu wa ta'ala et que l'on est reconnaissant à son égard. والله سبحانه وتعالى شرع لعباده صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء. الله عز وجل a également légiféré la prière de l'Eid, le jour de l'Eid, et cela vient compléter le rappel et l'évocation d'Allah عز وجل, cette prière qu'a ordonné le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a ordonné sa communauté de l'accomplir, que ce soit les hommes et les femmes. Et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être mis en application. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même aux femmes de sortir pour accomplir la prière de l'Eid, même si la prière dans leur maison est meilleure pour elles. Parce que les prières dans leur maison est meilleure pour les femmes, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait demandé aux femmes de sortir pour accomplir la prière de l'Eid montre l'importance de son accomplissement. Umm Atiyya radiyallahu anha qalat amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha al awatiq wal huyyad wa zawatul khudur. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها أختها من جلبابها. أم عطية رضي الله عنها dit le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de faire sortir pour accomplir la prière de عيد الأضحى et عيد الفطر Al-awatiq, les jeunes filles, ainsi que les femmes indisposées. Quant aux femmes indisposées, elles s'abstiennent de prier et viennent assister aux rassemblements et aux invocations des musulmans. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, il est possible que certaines d'entre nous n'aient pas de jilbab, c'est-à-dire n'aient pas de quoi se couvrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que sa sœur lui donne une partie de son jilbab. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. La sunna également, le jour de l'Eid, est de manger des dattes avant de sortir pour accomplir la prière, de manger un nombre impair, que ce soit 3 ou 5 ou plus. لقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith de Anas ibn Malik, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ne partait pour accomplir la prière de l'fitr qu'après avoir mangé des dattes, et il mangeait un nombre impair. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز أو بعد لقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. La sunna également est de sortir pour la prière de l'Eid à pied et non en monture ou en voiture, sauf si la personne n'a pas la possibilité de marcher ou si l'endroit de la prière est trop éloigné. La parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit, fait partie de la sunnah le fait de sortir pour accomplir la prière de l'Eid à pied. وَيُسَنُّ لِلْرَجُلِ أَنْ يَتَجَمَّلَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. Également, l'homme doit s'embellir et porter les meilleurs vêtements. Cela est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Umar radiallahu an a pris une cape en soie qui se vendait au marché. Il l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, envoyé d'Allah, achète celle-ci et embellis-toi avec pour le Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama hadihi libasu man la khalaqa lahu. Ceci est le vêtement de celui qui n'a pas de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ainsi car c'était une cape en soie et le porter la soie n'est pas autorisé pour les hommes, de même pour l'or. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit aux hommes de cette communauté et l'a autorisé aux femmes. ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب ويكثر من ذكر الله ودعائه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله في صعيد يوم القيامة. Également, lorsque l'on accomplit la prière de l'Eid, nous devons l'accomplir avec humilité et présence du cœur. Et nous devons multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation. Nous devons lui demander sa miséricorde et redouter son châtiment. Et ce rassemblement des musulmans pour la prière de l'Eid doit nous rappeler ce grand rassemblement qui aura lieu le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, où chacun devra rendre compte de ses actes. وَلْيَكُنْ أَيْضًا فَرَحًا فَرِحًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِدْرَاكِ رَمَضَانِ وَعَمَلِ مَا تَيَسَّرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Également, le musulman doit exprimer ce jour-là, le jour de l'Eid, sa joie et son bonheur, sa joie d'avoir bénéficié du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis d'atteindre ce mois de Ramadan et d'y avoir accompli des prières et le jeûne, la lecture du Coran, l'aumône, etc., car ceci est meilleur que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, le verset 58, dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que ce qu'ils amassent. » « Wa khayru mimma yajma'oun, ay mimma yajma'ouna min mata'i hadihi dunya al-faniya. » C'est-à-dire, cela est meilleur que ce qu'ils amassent comme bien de cette vie d'ici-bas. Le fait de jeûner le mois de Ramadan et de prier ces nuits avec foi et conviction et sont des causes du pardon des péchés. Le croyant est donc heureux et exprime sa joie d'être arrivé au terme de ce mois de Ramadan en l'ayant jeûné entièrement et en ayant prié l'ensemble de ses nuits afin de se débarrasser des péchés qui l'entachaient. ثم علموا أنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et si ce mois de Ramadan se termine, cela n'est pas le cas de l'action et des adorations du croyant qui ne s'interrompt pas avant la mort. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le sens, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et il dit Azza wa Jal en s'exprimant à l'ensemble des croyants, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Idha mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu." Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur meurt, ses actions s'arrêtent. Ce qui arrête donc l'adoration d'Allah azza wa jalla et le fait d'œuvrer dans ce qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala, la ligne finale, la ligne d'arrivée est la mort. Ainsi, lorsque le mois de Ramadan se termine, le croyant, lui, ne s'arrête pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et son jeûne également ne s'arrête pas, car le jeûne est légiféré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala durant toute l'année. Dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Man sama ramadana ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. » Il dit alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih: « Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, il cela reviendra à jeûner l'année entière. » وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. Ainsi, les différentes formes de jeûne ne s'arrêtent pas après le mois de Ramadan. La sunna également est de jeûner 3 jours de chaque mois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conseillé Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu, mon ami intime, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a donné 3 recommandations, et parmi ces 3 recommandations, de jeûner 3 jours de chaque mois. Et le mieux est de jeûner ces jours pendant les jours blancs, que sont les 13e, 14e et 15e jours des mois lunaires. La preuve est le hadith d'Abu Dhar radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Oh Abu Dhar, idha sumta min ash-shahri thalathatun, fasum thalata ashrata wa arba ashrata wa khamsa ashra. » Oh Abu Dhar, lorsque tu jeûnes dans le mois 3 jours, jeûne alors le 13e, le 14e et le 15e. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah, il a dit alayhi salatu wa sallam: il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Et lorsqu'il a été questionné alayhi salatu wa sallam sur le jeûne du jour de Ashura, il a répondu alayhi salatu wa sallam: il expie les péchés de l'année passée. Et lorsqu'il a été questionné alayhi salatu wa sallam sur le jeûne du jour du lundi, il a répondu alayhi salatu wa sallam: dhaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. Il a répondu alayhi salatu wa sallam: c'est le jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel je serai ressuscité, ou le jour dans lequel la révélation est descendue sur moi. Et lorsqu'il a été questionné alayhi salatu wa sallam: quel est le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan? Il a répondu alayhi salatu wa sallam: afdalu siyami ba'da shahri Ramadan siyamu shahri Allah al-Muharram. Le meilleur jeûne après celui du mois du Ramadan est le fait de jeûner le mois de Muharram. Et Aïcha radiyallahu anha a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois dans sa totalité si ce n'est le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner un mois autant de jours que le mois de Sha'ban. Et dans une autre version, il jeûnait le mois de Sha'ban sauf quelques jours qu'il ne jeûnait pas. De même que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait les lundis et les jeudis et faisait en sorte de les jeûner, et lorsqu'il a été questionné, il a répondu alayhi salatu wassalam que les actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala les lundis et les jeudis, et j'aime que mes actions soient présentées à Allah alors que je suis en état de jeûne. De même, lorsque le mois de Ramadan se termine, cela ne signifie pas que les prières nocturnes se terminent elles aussi. Au contraire, elles sont légiférées par la volonté d'Allah Azzawajal et par sa grâce durant toutes les nuits de l'année, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mughir ibn Shu'bah radiyallahu anhu a dit: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. La prière nocturne ne se termine pas par la fin et la clôture de Ramadan. Al-Mughira ibn Shu'bah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient alayhi salatu wa sallam. Puis on lui disait de pourquoi est-ce qu'il priait jusqu'à arriver à un tel état, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ne suis-je pas en droit d'être un serviteur reconnaissant? Et dans le hadith d'Abdullah ibn Sallam radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, diffusez entre vous le salam, nourrissez le pauvre, nouez les liens de parenté et priez la nuit. Lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis avec le salut. Et dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière de nuit. C'est également durant le dernier tiers de la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque soir. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. Il dit عليه الصلاة والسلام: notre Seigneur subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, et qui me demande le pardon afin que je lui pardonne. Et les prières surérogatoires, Allah Azza wa Jal nous les a légiférées de nuit, mais également le jour. Ainsi, il y a ar-rawatib, ces prières surérogatoires qui sont liées aux prières obligatoires, et elles sont au nombre de 12. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني به له بهن بيت في الجنة. Ar-Rawatib sont au nombre de 12. 4 unités de prière avant la prière de Dhuhr, 2 unités de prière après la prière de Dhuhr, 2 unités de prière après la prière du Maghrib, 2 unités de prière après la prière du Isha, et 2 unités de prière avant la prière du Fajr. Umm Habiba radiallahu anha a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas un serviteur musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 raka'at surérogatoires qui ne font pas partie des obligations sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui construise une maison au paradis. Et dans une version du hadith, celui qui prie 12 raka'at de jour comme de nuit, eh bien une maison lui sera construite au paradis. Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré également son dhikr, le rappel et l'évocation d'Allah Azza wa Jal uniquement pendant le mois du Ramadan, mais durant toute l'année et de façon particulière après les prières obligatoires. Wa dhikru adbar as-salawat al-khams amara Allah bihi fi kitabihi wa hatha alayhi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ala fa idha qadaytum as-salah فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما في صحيح مسلم. الله عز وجل dit dans son noble livre: et lorsque vous terminez vos prières, évoquez alors Allah debout, assis et sur vos flancs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il terminait sa prière, disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah à trois reprises. Puis il disait Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta yad al jalali wal ikram. Et il disait aussi alayhi salatu wassalam, celui qui dit Subhanallah après chaque prière 33 fois, et dit Alhamdulillah 33 fois, et dit Allahu Akbar 33 fois, voilà un total de 99. Puis dit, pour clôturer la centième fois, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Alors ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont comme l'écume de la mer, même s'ils sont aussi nombreux qu'est grande en quantité l'écume de la mer. فاجتهدوا فعلينا أن نجتهد في هذا الشهر وبعده في فعل الطاعات واجتناب الخطايا والسيئات لنفوز بالحياة الطيبة في هذه الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله تعالى من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ainsi nous devons redoubler d'efforts durant ce mois du Ramadan et durant ces 10 derniers jours et ces quelques jours qu'il reste du Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de toute forme de désobéissance à lui subhanahu wa ta'ala, afin de bénéficier dans cette vie d'ici-bas d'une vie bonne et dans l'au-delà d'une immense récompense. Et ce mois de Ramadan doit nous permettre de prendre cette habitude de jeûner la journée et de prier la nuit, doit nous donner cette habitude d'être généreux envers les nécessiteux et ne pas prendre le Ramadan comme un mois dans lequel l'on adore uniquement Allah Azza wa Jal, et ensuite, lorsque ce mois se termine, eh bien, revenir à nos mauvaises habitudes et délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les actes surérogatoires auxquels nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Nous devons rester dans la continuité de ce mois de Ramadan et nous efforcer à nous perfectionner et à faire en sorte que notre balance de bonnes actions soit la plus lourde et prévale sur le côté des mauvaises actions. Allah Azza wa Jal promet à celui qui œuvre et qui fait des œuvres pieuses dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jalla lui promet une vie bonne et lui promet une immense récompense dans l'au-delà. Il dit Azza wa Jalla dans le sens du verset, quiconque, hommes et femmes, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en, fait, en fonction des meilleurs de leurs actions. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأن يحيينا حياة طيبة وأن يلحقنا بالصالحين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.